Bon, quels sont les travaux qui en ce moment même au Parlement européen? Donc, nous, on prépare une résolution du Parlement. Donc, elle a été discutée, la proposition de résolution a été discutée ce matin en commission. Celle-ci fera l'objet d'éventuels amendements, etc., pour être rediscutée et votée en commission de l'environnement la semaine prochaine. Oui. Et quel est le contenu du texte actuellement? Écoutez, il y a une vingtaine de dispositions. Les choses qui ont particulièrement fait l'objet du débat ce matin, mais bon, sans surprise, parce que c'est deux gros enjeux pour Copenhague, sont les objectifs en termes de réduction de CO2. Ouais, bien sûr, ouais. Sachant que nous, dans le texte de résolution, on porte le fait de reprendre les conclusions du rapport du GIEC, c'est-à-dire d'avoir un objectif de 25 à 40%. Très bien. Puisque c'est les objectifs du GIEC, ouais, et que les oppositions, et moi c'est ce que j'ai mis sur ma page Facebook, parce que ça c'était une question qu'on pose à la Commission et au Conseil, puisque le deuxième point c'est sur l'engagement financier de l'Union européenne dans l'adaptabilité et l'aide au développement des pays du Sud. Ok, très bien. Et c'est quoi les chiffres qui sont actuellement sur la table, s'il y a des chiffres qui sont déjà en train... Alors, les chiffres, et où justement, pareil, on avait un amendement dans le budget, ils ont fait sauter le chiffre. Donc, parce qu'en fait, c'est ça. Le grand teneur des discussions, c'est un, ce matin, donc on a eu de la part d'élus du PPE, mais notamment UMP, particulièrement, les Français ont quand même sont bien montés au créneau en disant « on enlève le seuil haut ». D'accord. On s'est engagé à 20%, c'était fin de l'année dernière, il n'y a pas de raison de revenir. Donc il y a eu beaucoup de discussions de dire non, attendez, dans le paquet climat et énergie, l'Europe s'est engagée à 20%, mais il est, et ça a toujours été dit dans toutes les résolutions du PE, que c'était le minimum et que les objectifs pourraient être augmentés en fonction de l'engagement des autres États. Ouais. Donc c'est un seuil, mais ça ne veut pas dire qu'il est irrévocable. Mais, dans la question à la Commission et au Conseil, ils voulaient qu'on enlève le seuil haut, c'est-à-dire 40%. On est passé au vote, on l'a gardé. Donc les objectifs, c'est de 25 à 40%. Très bien. Et l'autre discussion, c'est sur l'engagement. Et on était parti sur un chiffre, et pareil, mais je pense que du coup, ça va sauter sur l'engagement chiffré. Qu'on ait un engagement de l'Union européenne à minimum, donc là, on est sur un seuil bas, de 30 milliards... De dollars, de... Je suis pas dans mon bureau. En euros, pardon. C'est ça. Oui. D'euros. Si c'est 30 milliards d'euros. C'est 30 milliards d'euros, ouais, ça semble cohérent. Et que ce soit pas inférieur à 30 milliards d'euros sur l'engagement de l'Union européenne dans l'aide à l'adaptabilité aux pays du Sud. Ok. Et ça, c'est les chiffres, c'est les seuls chiffres. Mais il n'y a rien de nouveau, hein. Je pense que c'est ce qui agite tout le monde et partout, là. Oui, particulièrement ici, où on commence à se battre sur les chiffres. Et là, cet après-midi, ce soir-là, j'étais à une réunion organisée par la Banque mondiale qui présente son rapport sur le coût d'adaptation, et il chiffre entre, je crois, 75 et 89 milliards de dollars par an à partir de 2020. Ouais. Donc on est dans la même fourchette, mais c'est vrai qu'après, il y a d'autres propositions qui viennent d'autres États et qui proposent beaucoup moins, qui demandent beaucoup moins, parce qu'ils savent que ça va leur coûter cher et qu'ils devront passer à... qui devront passer à la caisse, entre guillemets, quoi. Voilà. On a eu des positions ce matin, surréalistes, c'est-à-dire qu'il y a encore des personnes, on va dire, je vais être un peu dur, les plus de 60 ans, qui sont très allégristes. Ah bon, carrément, mais ça existe encore, hein. Ah oui, non, mais moi, j'étais quoi? Je me disais, mais c'est pas possible, hein. Mais c'est pas prouvé. Le changement climatique. On a eu une sortie d'une députée française UMP. Écoutez, le Groenland, je vous la fais court. Le Groenland, il y a eu de l'herbe à une époque. Donc changement climatique, on a toujours connu ça. Si demain il n'y a plus de glace au Groenland, c'est pas grave. Ça ne veut pas dire que l'espèce humaine subira des conséquences. Mais c'est sûr. Le rapport du GIEC est en ligne. Il faut juste. Le rapport du GIEC est en ligne. Ouais, d'accord. Il faut indiquer l'adresse. Ouais. Et juste une petite dernière question avant que vous y alliez. Si vous avez une position qui est claire et affirmée, supposez que vous avez une position qui est très très ambitieuse, on va dire 40% de réduction pour 2020, pardon, et un autre chiffré pour l'adaptation. Je pense qu'on a plus de chances d'obtenir 30%. On a plus de chances d'obtenir 30%. Donc la résolution, on la discute en commission environnement. Il y a la commission ITRE aussi qui discute d'une résolution qu'on mettra en commun plénière. Moi, j'ai pas encore vu mes collègues de ITRE. Je les ai croisés ce matin puisqu'ils faisaient la même chose que nous. Ouais. le minimum, et en tout cas où on peut se battre jusqu'au bout, c'est les 30% à 2020. Et sur une logique que moi je trouve assez intéressante, c'est de dire que si les États-Unis s'engagent sur 17%, voire 20%. 17%, c'est important de préciser quelque chose, c'est par rapport à une base de 2005, ce qui revient. Alors à dire... laissez-moi finir. Ouais, d'accord. Si les États-Unis s'engagent sur 17%, voire qui poussent un peu à 20%, eux sont sur un engagement sur 2005. Oui. Oui, donc oui. Nous, en gros, nos 20% sur 90, étant donné qu'en 10 ans, on a déjà réduit nos gaz à effet de serre de 10%, ça veut dire que par rapport aux États-Unis, l'Europe n'aurait qu'un engagement de baisser ses émissions de CO2 de 10%, oui, avec l'engagement sur 20% dans le référent. Donc on se trouve, on perd totalement notre position de leadership. Et donc... Moi, je pense de toute façon, il y a quand même, on sent, hormis une petite branche ultra-libérale qui veut rester, c'est 20% et on bouge pas, puis quelques pays de l'Est, le 30%, c'est quasi, 30%, c'est du minimum. Parce que le 30%, sur la référence de 2005, si on se fixe aux États-Unis, en gros, on serait sur le même objectif que les États-Unis, quasiment. Oui, bah ouais, tout à fait, oui, tout à fait. Voilà. Donc on va tenter de descendre jusqu'à 40%. Mais à mon avis, je ne sais pas comment vont se terminer les débats. Est-ce que du coup, le mieux qu'on puisse s'en sortir, là, c'est ce qu'on fait et dans les résolutions, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur une recommandation de dire c'est objectif de 25 à 40%. Qui fait qu'ensuite les choses se négocieront et dans le cadre de Copenhague. Et comme il y a quand même eu un certain nombre de résolutions et d'engagements de l'Union européenne de dire qu'elle irait plus loin que les 20% à partir du moment où les autres États s'engageraient, on peut sortir avec 30%. Ok. Moi, ce que je tiens à dire quand même... Mais nous, on soutient 40%. Hein. Le GIEC dit que c'est... si on veut sur 2 degrés dans 10 ans, c'est 40%. Ça, c'est l'ambition politique et le courage politique pour dire, là, on est sûr, on se donne vraiment tous les moyens pour pas aller dans le mur, quoi. Là-dessus, on est tout à fait d'accord. Mais ce qu'il faut voir, c'est que nous, ce qu'on observe ici, par rapport à la question du leadership qui est très intéressante, sur laquelle on essaie de travailler, c'est qu'en fait, la question du leadership de l'Union européenne, elle est perdue depuis quelques jours. Je serais tenté de dire depuis l'élection du nouveau Premier ministre de Barroso japonais. Du Premier ministre japonais. Et que maintenant, ils ont pris un engagement à 25% et que tous les pays, enfin 25% par rapport à... Et la Chine, pareil, déclaration de la semaine dernière qui est... Exactement. Non, mais bon, ça, c'est un des arguments. Enfin, moi, je sais que dans la tribune faite sur le site du Père la semaine dernière, je le mets à la fin, hein, je le souligne que c'est fini. L'Europe n'a plus le leadership, donc faut qu'elle arrête de se poser comme telle, quoi. Là, si on veut récupérer le leadership et énoncer le fait qu'on a des objectifs ambitieux, il faut qu'on passe le cap, quoi, des 30-40. Là-dessus, on est tout à fait d'accord et que, enfin, moi, je reste persuadé que si on reste là-dessus, on va vraiment passer pour le pays de l'annexe 1, qui est le deuxième le moins engagé, parce qu'il y a toujours, bien entendu, le Canada, l'Australie qui fait pas grand-chose et les États-Unis qui sont qui peinent un peu. Mais on a totalement perdu la position de leadership. C'est que maintenant, enfin, tout le monde dit les leaders dans les négociations, c'est en train de devenir les Japonais et les Japonais mènent les débats. Donc, il faut vraiment que le Parlement européen, donc notamment les députés européens, prennent une position qui soit très forte et qui disent voilà, maintenant faut y aller, il faut qu'on y aille, quoi. Et autre info, donc moi je vais descendre là, je suis dans la délégation Japon. Hein. Ouais. Oh, très bien. Donc voilà, et j'ai demandé ce matin, puisqu'on a prochaine réunion de délégation le mois prochain, avec les nouvelles élections, le Japon n'a pas encore composé sa délégation qui est en relation avec le Parlement européen. Ouais. Mais j'ai demandé que soit inscrit à l'ordre du jour justement les engagements et positions du Japon par rapport au sommet de Copenhague en fin d'année. Super. Voilà. Super. Ah oui, j'y pensais plus, ça. On a aussi fait ça ce matin. C'est vraiment très bien.